Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. La science CQFD, Natacha Triou. C'est l'une des boissons les plus consommées au monde. La moitié des pays du globe en produit. Comment avons-nous domestiqué la vigne pour produire du vin ? Il y a la vigne de cuve pour boire du vin et la vigne de table pour manger du raisin. Quand a-t-on commencé à les cultiver et où ? Selon une récente étude, la domestication de la vigne a eu lieu beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait. Et il n'existe pas un berceau du vin, mais plusieurs. Encore une fois, grâce à l'ADN, il est possible de remonter dans le passé pour reconstituer cette histoire évolutive. Et encore une fois, la préhistoire peut nous éclairer sur l'avenir de la vigne. Archéologie du vin, voir la vigne du bon côté. Margaret Attenberg, bonjour. Bonjour Natacha. Vous êtes archéobotaniste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle dans l'unité de recherche archéozoologie, archéobotanique, société, pratique et environnement. Et en duplex de Montpellier, Patrice Thys, bonjour. Bonjour Natacha. Vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, responsable de l'équipe Diversité, Adaptation et Amélioration de la Vigne. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture et merci à vous pour votre écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour notre live tweet riche de sources, d'études et d'articles. C'est dès maintenant à Science CQFD. Jusqu'à 17h, nous allons donc savourer cette histoire du vin, comment reconstituer les origines de la domestication de la vigne, quels sont les premiers indices de mise en culture et comment les dater. Et est-ce que la préhistoire qu'est-ce que la préhistoire un peu nous annonçait sur l'avenir de cette vigne? Pour commencer, le vin d'avant, c'était comment? La question est posée sur notre antenne en 1989. C'est notre archive du jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens, jusqu'à la Révolution française, et les paysans notamment, ne buvaient pas de vin. Ils buvaient du vinaigre qu'ils additionnaient avec de l'eau, et c'était la boisson quotidienne des paysans français. Il faut savoir aussi qu'il y avait des vignes partout en France. Ça donnait des vins qui devaient être très, très bizarres à boire. D'abord des vins que l'on cueillait presque toujours très verts. Mais vous savez qu'au début du XXe siècle, on cultivait encore la vigne du côté de Lille, dans le golfe du Morbihan. Je ne parle pas du Muscadet, mais dans le golfe du Morbihan, il y a encore la présence de vignobles. Donc la vigne faisait partie de l'environnement des Français de l'ancien... Oui, la consommation était courante. Oui, mais enfin, c'était la piquette, cette piquette avec ce goût vinaigré. Bon, quand on dit une piquette aujourd'hui, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, une archive en guise de mise en bouche, une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Margaret Attenberg. Je vous voyais sourire. Oui, c'est vrai que le vin n'est pas la même chose actuellement qu'il était dans l'histoire. Et on sait très, très peu ce que c'était le vin à ses origines. On ne connaît pas le goût, évidemment, et les recettes précises. Mais à partir de l'Antiquité, on peut avoir des idées parce qu'on a des écrits qui décrivent qu'est-ce qu'était le vin qui était fort en goût, évidemment, et auquel on rajoutait souvent des épices, de la résine de pistachier, etc. Donc c'était certainement une boisson assez différente de ce qu'on connaît actuellement. Patrice Thys, une réaction vous aussi à ce qu'on vient d'entendre sur cette piquette? Oui, effectivement. Enfin, on voit aussi que récemment, les vins se sont nettement améliorés, même dans les derniers 20 ou 30 années. Donc effectivement, l'évolution du vin qui est en lien, en particulier avec le changement climatique, mais je crois qu'on va y revenir, fait que les vins aussi, dans certaines régions, s'améliorent. Avant de remonter le fil de cette histoire, il faut faire quelques distinctions importantes. Patrice Thys, qu'est-ce qu'on désigne collectivement sous le nom vernaculaire de vigne? Alors, si vous voulez, la vigne, c'est un ensemble d'espèces qui appartiennent au genre Vitis, et donc On a l'habitude de parler de vignes, par exemple aussi, sur, on parle des vignes vierges, par exemple, qui sont des espèces très différentes de l'espèce Vitis vinifera, qui, elle, est la principale espèce utilisée pour la production de raisins, que ce soit pour les raisins de table, comme ça a été précisé en introduction, les raisins qui servent à faire du vin. Mais il existe aussi une troisième variété, c'est les raisins secs, hein, qui sont souvent des raisins qui n'ont pas de pépins et que l'on laisse sécher naturellement. Margaret Attenberg, sur ces distinctions, cette différence entre raisins de table et raisins de cuve. Pourquoi, par exemple, on ne fait pas de vin avec du raisin de table? De tout temps, évidemment, on a cherché des qualités différentes et on a sélectionné des qualités différentes, plus sucrées, plus acidulées, plus grandes pour le vin de table, avec certaines caractéristiques qui sont plus intéressantes pour la vinification, etc. Donc, dès le début de l'utilisation de la vigne, il y a certainement déjà ces distinctions. C'est une plante qui, avec énormément de variétés, de cépages différents, etc., et qui se conjuguent selon les utilisations. Alors là encore, un autre terme très important qu'on va entendre tout au long de cette heure, Patrice Tisse, qu'est-ce qu'un autre terme viticole, qu'est-ce qu'un cépage? Alors, effectivement, c'est un terme viticole qui désigne une variété. Dans les autres espèces cultivées, on parle de cultivar ou de variété. Pour la vigne, en tout cas en France, on utilise ce terme cépage, qui veut dire variété pour les autres espèces. Vous avez... Je voudrais juste rajouter un petit mot par rapport effectivement à ce qui vient d'être dit sur la distinction entre cépages de table et de cuve. Il est vrai que les cépages de cuve ont des toutes petites baies. Et si vous voulez, c'est en fait ce qui est important, c'est le ratio entre la pulpe qui apporte essentiellement le sucre, l'acidité et l'eau, et puis la pellicule, qui, elle, apporte d'autres composés comme les anthocyanes, qui sont les composés colorés qui donnent la coloration du vin, et puis les tanins qui, eux, interviennent dans la qualité organoleptique du vin. Alors, vous avez tous les deux réutilisé un mot important qui est celui de la sélection. Nous parlons donc de domestication. La semaine dernière, nous parlions de la domestication du cheval. Domestiquer, Margaret Attenberg, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique, la domestication de la vigne? Ah oui, alors la domestication, évidemment, c'est un terme qui est beaucoup utilisé, qui est très, très répandu et qui n'est pas si facile à définir que ça. Et il faut bien faire la différence quand on parle de différentes espèces. Vous avez parlé de la domestication de cheval, donc ça c'est... et la domestication des plantes, même à l'intérieur de très grands domaines de domestication de plantes, il y a des différences. On peut faire la différence entre la domestication du blé, par exemple, la domestication de la vigne. Et en fait, en général, on peut dire que c'est la création d'une nouvelle forme qui est différente de l'ancêtre sauvage. Et cette création est liée à une pression sélective exercée ici, dans ce cas, par l'homme. Et cette pression peut être intentionnelle ou non intentionnelle. Ce n'est pas forcément une intention, toujours. Mais le fait d'interagir d'une façon spécifique avec une plante, avec une espèce végétale, fait que cette espèce change. Et qui peut changer tellement qu'il devient différente de l'origine, de l'ancêtre sauvage qu'on a commencé à exploiter à un moment ou à un autre. Patrice Tisse. Tout à fait. Et souvent, on parle effectivement aussi de syndrome de domestication. Donc, si vous voulez, c'est vraiment le changement de certaines caractéristiques de la plante qui fait qu'elle devient effectivement, comme précisé, qu'elle devient complètement différente de son ancêtre sauvage. Alors, Patrice Tisse, au début de la culture fruitière, quels étaient les morphotypes préférés? Quels ont été les plantes, les spécimens sélectionnés, privilégiés par nos ancêtres? Alors, Écoutez, aujourd'hui, on a encore quelques vignes sauvages. Donc l'ancêtre de la vigne, donc de l'espèce Vitis vinifera, s'appelle Vitis sylvestris. Et donc, on a encore la chance de trouver en France et dans différents pays autour de la Méditerranée un certain nombre d'individus donc de l'espèce sylvestris. Et donc, effectivement, on peut du coup avoir une idée assez précise des modifications qu'a subi la vigne. Et donc, si vous voulez, en fait, on peut... Bon, voilà, les évolutions, l'évolution principale au niveau de la domestication a été une évolution du sexe de la fleur. Les ancêtres, donc Vitis sylvestris, donc les deux sexes, donc le sexe mâle et femelle, donc étaient sur des fleurs. On avait des fleurs mâles et des fleurs femelles sur des individus différents, sur des plantes différentes. Alors que maintenant, chez la vigne cultivée, Vitis vinifera, les fleurs de la vigne cultivée portent les deux sexes. Et donc, c'est vraiment un des marqueurs, on va dire, de la domestication. Cette vigne cultivée qui est hermaphrodite, ce changement de sexe, en fait, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet justement une meilleure productivité ? Ça, oui, et ça permet aussi une meilleure régularité dans la production. Il se trouve qu'il existe encore, parmi la très grande diversité de cépages, il existe quelques cépages femelles. Et par exemple, bon, nous en avons, dans certaines de nos expérimentations au terrain. Et on voit très bien que, selon les années, si vous voulez, les fleurs femelles, qui doivent donc être pollinisées par d'autres plantes, ont une production beaucoup plus réduite et beaucoup plus irrégulière. Donc on parle de cette apparition de l'hermaphrodisme chez la vigne domestiquée, Margaretha Thunberg. Quelles sont les autres différences qu'on observe entre vigne sauvage et vigne domestique ? Ah oui, évidemment, la sélection, qui est le cas très très souvent pour les espèces fruitières en général, ça peut être le cas pour le palmier dattier, l'olivier ou d'autres fruits, c'est une préférence souvent pour des fruits un peu plus grands. Donc on va choisir dans la diversité naturelle les plantes qui produisent des fruits plus grands et surtout des fruits qui sont meilleurs au goût, c'est-à-dire souvent plus sucrés. Et ça existe, il y a une très grande diversité génétique et phénotypique, c'est-à-dire dans les formes, l'expression des gènes et dans les formes. Et donc on va voir aussi dans les populations sauvages des pieds qui produisent des pieds femelles, donc qui produisent des fruits qui sont plus sucrés. Donc évidemment, s'il faut choisir, c'est cela qu'on va reproduire, qu'on va sélectionner ensuite, multiplier pour avoir les meilleures qualités de fruits. Patrice Tisse, à l'état sauvage, la vigne est une liane aussi qui grimpe dans les arbres, donc ce qui rend difficile la cueillette aussi des raisins. Oui, effectivement, c'est comme ça qu'on la voit d'ailleurs. Elle se développe sur les arbres, effectivement, et donc vous avez quand même certaines vignes sauvages qui sont sur des petits bosquets, donc pour lesquels on peut quand même avoir accès aux raisins, mais c'est vrai que dans certains endroits, et en particulier en forêt, vous avez des vignes qui montent très très haut, donc c'est vrai que pour nos ancêtres, c'était sans doute un petit peu différent d'aller, ou en tout cas difficile, d'aller chercher les raisins dans la forêt, en milieu naturel. Et c'est pour ça, on peut imaginer que l'homme a commencé, si vous voulez, à cultiver d'abord des vignes sauvages, qu'il a mis pas loin des villages ou près des habitations. Oui, ça c'est intéressant aussi quand on parle de la plante, la vigne, liane, comme vous avez dit. Et on voit différentes méthodes de culture, à la fois actuellement évidemment, mais aussi dans l'iconographie, c'est-à-dire la représentation imagée, des images, dans le passé, notamment du Proche-Orient. On voit la vigne qui est conduite sur des arbres, par exemple, et souvent c'est les pratiques traditionnelles en Europe de conduire la vigne sur des tuteurs. chaleur pour qu'elle soit au-dessus du niveau du sol. Mais dans beaucoup de contextes au Moyen-Orient, proche du Moyen-Orient, actuellement et dans le passé, où on a des climats très chauds et arides, on a souvent des vignes qui sont rampantes, c'est-à-dire qui ne sont pas conduites sur des supports et donc qui rampent par terre. Et c'est une manière de protéger, de garder un peu d'humidité sous le feuillage de la vigne. On va parler dans quelques instants du néolithique, mais que sait-on de la vigne avant le néolithique, c'est-à-dire avant la période où les humains pratiquent la domestication? Que sait-on de l'utilisation de la vigne sauvage, Margaret Attenberg? Alors, on sait déjà que la vigne avait une assez large distribution et l'article dont nous allons parler tout à l'heure a exploré aussi la vigne sauvage et la distribution de Vitis sylvestris et la structuration génétique des populations de Vitis sylvestris, la vigne sauvage. Et nous savons que les populations préhistoriques, c'est-à-dire avant les traces de culture et notamment à la fin du paléolithique et au début du néolithique, utiliser la vigne sauvage, cueillir la vigne sauvage, on le sait parce qu'on trouve les graines sur les sites archéologiques. Ce qu'il faut dire, c'est que ces attestations de vigne sauvage sont extrêmement peu nombreuses. Il y a très peu d'attestations de vignes pour ces périodes. Elles existent dans les régions où il y a de la vigne sauvage, mais pas en grand nombre. On n'a pas l'impression que c'est une plante qui est exploitée de façon intense. Patrice Dis? Oui. Oui, enfin, juste peut-être une petite précision. Effectivement, donc un des caractères aussi distinctifs de la vigne sauvage et de la vigne cultivée est aussi la forme du pépin. Et donc effectivement, quand on dit il existe un certain nombre d'endroits où on a pu identifier de la vigne sauvage, c'est parce que, effectivement, aujourd'hui, on arrive à différencier sur la forme du pépin une vigne, enfin en tout cas un pépin issu d'une vigne sauvage, d'un pépin issu d'une vigne cultivée. Et effectivement, on le voit bien. Enfin, effectivement, on a quelques idées de ce qui se passe dans le passé, mais actuellement, quand on a fait nous une prospection de vignes sauvages en France, on trouve très peu d'individus. On a peut-être réussi à trouver un millier d'individus sur tout le territoire français, ce qui est extrêmement faible. Alors, où et quand a commencé cette domestication? Quelles sont les premières traces de cette domestication de Vitis? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. 16h17 sur France Culture avec Margaret Attenberg et Patrice Tis. Nous parlons de la domestication de la vigne, de l'origine du vin. Nous venons de voir quels ont été les principaux effets de cette domestication sur la plante, comment l'humain a modifié l'architecture des rameaux, de la fleur et des fruits. Alors jusqu'ici, on pensait que le berceau du vin se situait dans une région relativement circonscrite du Caucase, entre Arménie et Géorgie, il y a environ 8000 ans environ, moins 8000 ans avant notre ère. Et puis il y a cette étude parue dans la revue Science, qui a fait la une de la revue. Patrice Tis, cette étude bouleverse un peu cette histoire du vin. Oui, en fait, elle la bouleverse de deux façons. Donc la première, c'est l'origine, effectivement, de la domestication, avec, comme vous le précisiez, une idée, ou en tout cas une hypothèse que nous avions auparavant, qui était que la vigne avait été domestiquée dans la région du Caucase il y a à peu près 8000 ans. Alors que, effectivement, donc cette étude permet de démontrer, effectivement, de confirmer ce centre de domestication dans le Caucase, mais permet aussi d'identifier un deuxième site de domestication qui est plutôt autour dans la zone du croissant fertile, plus près de nous. Et également une datation qui serait plutôt autour de 11 000 ans, oui, en arrière. Oui, c'est ça, la vigne a désormais deux berceaux, Margaretha Thunberg, hein, celui du Caucase et le Moyen-Orient, la vigne domestique. Oui, tout à fait, et c'est très intéressant. Et en fait, c'était une des hypothèses qui existait déjà. Donc, cette étude récente, cette nouvelle étude, confirme en fait des hypothèses qui avaient été mises, qui étaient en contradiction avec une autre hypothèse qui parlait d'une seule domestication. Et ça, c'est souvent le cas pour toutes ces plantes qui ont été domestiquées. Il y a souvent opposition entre une seule domestication unique et ensuite diffusion ou plusieurs domestications. Et là, on a la confirmation par la génétique, qu'il y a deux domestications. Et ça, c'était quelque chose qui avait été vu déjà par d'autres études génétiques qui étaient plus limitées dans le passé. Alors, après, il y a une question de chronologie, et ça, peut-être, on va aborder. Ma question aussi, c'était, donc là, on découvre deux foyers, et puis on avait ces datations, hein, moins 6000 ans avant notre ère, moins 8000 ans. Pourquoi une telle différence? On passe d'un coup à 11000 ans en arrière. Oui. Et en fait, bon, pour les deux domestications, ça colle très bien avec les données archéobotaniques. Et ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'il y a la confirmation d'un probable foyer au Caucase, mais qui n'a pas eu tant d'influence que ça sur l'évolution de la viticulture ensuite. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, pour la datation, là, les données archéobotaniques sont divergentes, ne montrent pas une origine si ancienne. Et les données archéobotaniques, donc je parle des restes de plantes, restes de vignes dans ce cas-ci, qu'on trouve sur les sites archéologiques et qui indiquent une mise en culture, une domestication beaucoup plus tardive. Et là, on est pour les premières vraies indications de culture, il y a 6000 ans à peu près. Donc, on est dans ces régions-là, dans les régions dont on parle de Caucase, du Moyen-Orient en général, je dirais. Oui, ça, c'est pour les restes archéobotaniques. Cette équipe a fait appel à la génomique. Ces chercheurs chinois ont fait une vaste récolte d'échantillons de cépages et de vignes sauvages, les lambrusques, partout dans le monde. 42 organismes de recherche ont participé, dont l'INRAE de Montpellier et de Bordeaux. Patristis, l'équipe a analysé plus de 2000 variétés de Vitis vinifera et plus de 1000 de Vitis sylvestris. Qu'est-ce qui a permis justement ce séquençage de tout ce matériel? C'est un peu ce que vous disiez, Natacha. L'idée était effectivement d'arriver d'abord à recueillir cet échantillon extrêmement important. Et donc, comme vous l'avez précisé, c'est effectivement un travail international qui a permis de regrouper l'ensemble de ce matériel. Et puis, si vous voulez, l'autre aspect, c'est que, en fait, les méthodologies aujourd'hui qui permettent de séquencer et donc de lire l'ensemble du génome, que ce soit des plantes, des animaux et même l'humain, ce sont des méthodologies qui deviennent de plus en plus efficaces, mais aussi de plus en plus, en tout cas, de moins en moins chères. Et donc, effectivement, cela a permis de caractériser, de reséquencer l'ensemble des génomes de ces 3000 échantillons. Et si vous voulez, il y a une dizaine d'années ou il y a une vingtaine d'années, c'est quelque chose qui aurait été complètement impossible. Alors plus concrètement, Patristis, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur comment on peut remonter le cours de l'histoire avec ce séquençage génomique ? Alors en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, donc on a analysé globalement autour de 1600 variétés, donc cépages de Vitis vinifera et 844 individus de l'espèce Vitis sylvestris. Donc voilà, le séquençage, c'est on arrive à lire donc le génome, et ce que l'on fait ensuite, c'est on compare le génome à la fois donc des variétés, des cépages et celui des individus sauvages. Et donc en recherchant, si vous voulez, les différences qu'il existe entre ces deux types de vignes. Et donc c'est en analysant finalement l'ensemble des différences que l'on réussit à la fois bien démontrer la différence entre vigne cultivée et vigne sauvage, mais en utilisant, si vous voulez, des données qui ont été obtenues au niveau de l'ADN sur En fait, on utilise, si vous voulez, une échelle de temps qui est la mutation de cet ADN. Donc, on parle de mutation quand la séquence est modifiée. Et donc, on sait à peu près combien de bases peuvent globalement muter en une génération. Et c'est en comparant, si vous voulez, les génomes donc des vignes sauvages et des vignes cultivées, en regardant combien de bases ont été mutées, que l'on peut arriver à dater la différenciation entre vigne sauvage et vigne cultivée. Voilà, ce passage de la vigne sauvage à la vigne domestique s'est produit il y a 11 000 ans, selon cette étude, Margaret Attenberg. 11 000 ans, c'est à peu près au même temps que la naissance de l'agriculture. Oui, et en fait, cette méthode de calculer le temps, c'est une estimation. Et en fait, quand on regarde les données archéologiques, parce que là, on est en prise directe avec les interactions entre les humains et les plantes, parce qu'on a les restes des plantes qui ont été utilisées sur le site. Et ces terrains dont nous parlons, Moyen-Orient, Asie centrale, Caucase, etc., Proche-Orient, ce sont des terrains particulièrement propices parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'études archéobotaniques. Et je peux dire que on a étudié dans ces régions des centaines de milliers, voire des millions de restes botaniques, des restes de végétaux, pas uniquement de vignes évidemment, mais de toutes sortes de plantes. Et donc on peut reconstituer assez précisément l'histoire de chacune de ces espèces que l'homme a domestiquées, utilisées d'abord et ensuite domestiquées. Et pour la vigne, donc à partir de ces données archéobotaniques, on voit que pour les périodes très anciennes, donc on parle de la début de l'agriculture, et donc cette nouvelle étude situe la domestication de la vigne au même temps que la domestication des plantes annuelles comme le blé, les lentilles, l'orge, etc. Et en fait, les données archéobotaniques ne montrent pas du tout ça, parce qu'on n'a pas du tout d'intensification de vignes et multiplication des restes de vignes sur le site. Et c'est un phénomène qui arrive beaucoup plus tard. Donc, je parlais de 6000 à peu près. Point de vue étude des graines de vignes, on a une multiplication des graines de vignes, il y a de plus en plus. Et surtout, à l'âge du bronze, autour de 4000 et ensuite, au quatrième millénaire, je dirais 3500 avant Jésus-Christ, donc il y a 5500 ans à peu près. Et surtout, il y a 5000 à 4500 ans, on a une explosion de la viticulture dans l'ensemble du Moyen-Orient et en Asie centrale. Donc, on voit vraiment une diffusion de cette culture à ce moment-là. Et donc, on est là sur une autre échelle de temps différente. Et pour les archéobotanistes, la viticulture n'est pas associée à le début de l'agriculture et surtout pas du tout à la diffusion du néolithique vers l'Europe. Comme cette étude suggère, mais c'est une estimation, donc ça se discute évidemment, mais les données archéobotaniques ne vont pas dans le même sens sur la chronologie. Patrice Thys, pour rebondir, pour réagir à ce que vient de dire Margaret Attenberg, Oui, effectivement, enfin, je suis tout à fait d'accord avec Margaret. La différence, malgré tout, si vous voulez, c'est qu'effectivement, pour pouvoir identifier des restes de vignes ou même certains des sites archéologiques ont montré en particulier des amphores dans lesquelles on a pu démontrer qu'il y avait eu du vin qui avait été produit, mais donc tous ces restes en fait nécessitent déjà une grande quantité de vignes. Et donc, effectivement, c'est peut-être aussi un petit peu ça qui fait que quand on regarde la question de la domestication, ou en tout cas, quand on va comparer un petit peu les deux types de vignes, on a une estimation un petit peu différente de l'âge, ou en tout cas de la période de domestication. Alors, comment se constate justement cette vinification? C'est pas facile de l'identifier. Comment l'identifier? Restez avec nous. On vous répond à ces questions après cette interlude musicale. Now, drinking wine is an old thing. You've heard of how the queen, even the king of Egypt, used to sip it now and then. But they didn't get drunk and fall on the floor and turn and run smack into a door like some of these modern wine-drinking men. They drank their wine from a silver mug and not somebody's old tooby jug, and they always knew when they had had enough. And the wine they drank was mighty fine, just like the juice right off the vine, not anything like this new green stuff. Buddy, stay off of that wine, although it makes you feel mighty fine. You can drink gin and beer, that's good. You can drink liquor aged in wood, but buddy, stay off of that wine. Now I saw a fellow the other day mooching. Everybody got in his way, and I could tell that that boy wasn't well. So I took him in a joint to buy him a drink, and I ordered a shot, and what do you think? That character up and ordered Muscatel. I said, boy, you're gonna lose your mind if you keep on drinking that stupid wine. You're gonna land up in the gutter as sure as, well. He got up with a stupid grin, used his sleeve to wipe his chin, and when he walked away, he almost fell. Buddy, stay off of that wine, although it makes you feel mighty fine. You can drink gin and beer, that's good. You can drink liquor aged in wood, but buddy, stay off of that wine. Now, nobody's going to call you a sinner if you have a glass or two before dinner, and nobody's going to say that you're out of line. But if you're a man who likes to drink and don't want to get to where you can't think, remember, buddy, stay off of that wine. Because when you get to craving the stuff, that means you've had more than enough, and then you're right on the danger line. So when you start to buy a drink, stop, think, remember, buddy, stay off that wine. Buddy, stay off of that wine. Although it makes you feel mighty fine. You can drink gin and beer, that's good. You can drink liquor aged in wood, but buddy, stay off of that wine. Now if you don't want to hasten your recline to that little box of pine, remember, buddy, stay off that wine. 16h31 sur France Culture. Betty Al Jones, Buddy, Stay Off That Wine. Car nous parlons de l'origine du vin en compagnie de Margaretha Thunberg, archéobotaniste, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle, et avec Patrice Tisse, directeur de recherche à l'INRAE, responsable de l'équipe Diversité, Adaptation et Amélioration de la Vigne. Alors nous venons de voir que la domestication s'est produite simultanément il y a environ 11 000 ans en Asie occidentale et dans le Caucase pour produire des vignes de table et des vignes à vin. Quelques mots maintenant à propos de la méthodologie. Comment identifier la présence du vin, Margaretha Thunberg? Oui, alors ça, c'est une question compliquée. Et c'est pour ça que les tout début de la viticulture et de la production du vin, qui sont pas synonymes d'ailleurs, parce qu'on peut cultiver de la vigne sans faire du vin. Hein. C'est pas forcément... On peut manger aussi les raisins, évidemment. C'est une culture de fruits. Mais probablement, le vin a joué un rôle très tôt quand même dans la viticulture, on pense ça. Mais c'est pas si facile de le mettre en évidence. Et la méthode qui est utilisée pour parler de vin d'abord, c'est des méthodes chimiques, analyses chimiques sur des résidus qu'on trouve dans les céramiques, dans des contenants, des jarres, etc. Et c'est comme ça qu'on avait situé la première production de vin dans le sud du Caucase et dans le nord-ouest de l'Iran, sous forme de dépôts d'acide tartrique dans des jarres, donc il y a 8000 ans. Et c'est quelqu'un qui s'appelle McGovern qui a écrit beaucoup sur le vin et la vinification qui avait ses études. D'autres chimistes, avec les méthodes avancent systématiquement, et c'est ce que notre collègue Patrice a dit aussi pour la génétique, ça avance beaucoup. Et on est moins sûr maintenant que l'acide tartrique ou même d'autres composés organiques puissent vraiment nous certifier que le vin a été produit. Parce que ça peut être aussi d'autres choses, ça peut être du jus de raisin, ça peut être aussi d'autres produits, d'autres fruits qui donnent des acides tartriques. Donc c'est pas si évident. Et en fait, ce qu'il faut viser, c'est très certainement, c'est tout un fuseau d'indices, à la fois type de jarre, type de production céramique, des dépôts chimiques qu'on peut analyser, la présence de restes archéobotaniques, et éventuellement aussi, on voit par exemple en Arménie, sur un site qui s'appelle Arini Cave, on a trouvé il y a 6000 ans, sur un site qui date il y a 6000 ans, des installations, des cuves, des endroits, des plateformes, etc., qui semblent être destinées à la production du vin. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu'on trouve de plus en plus. Plus on revient à des périodes plus récentes. Et quand on parle de l'Antiquité, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Brun, qui a écrit plusieurs livres sur la vigne et sur l'huile d'olive, et qui a vraiment fait une synthèse de toutes ces installations dans le monde méditerranéen, par exemple, des structures qui sont destinées à la production du vin. Patrice Tisse, pour compléter sur ces méthodes d'analyse pour identifier la vigne domestiquée et le vin. Enfin, non, je pense qu'effectivement, Mariette a donné déjà l'ensemble des aspects. Je voulais juste rajouter une petite anecdote, une expérience. Effectivement, du coup, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les collègues géorgiens, qui est donc un des sites de domestication, et c'est vrai que dans des villages très anciens qui sont encore des troglodytes, on voit effectivement des trous ou en tout cas d'anciens trous dans les rochers qui sans doute ont été utilisés effectivement pour la production de vin. Et donc, juste comme ce qui vous a été indiqué, il faut effectivement prendre en compte tout un ensemble de caractères, de critères, et donc pour être sûr de la production de vin à une époque donnée. Margaret Attenberg. Oui, je voulais dire, parce qu'à propos là, on parle de la Géorgie, et évidemment, c'est une des régions qui est considérée comme le berceau de la viticulture. Et il faut dire aussi que dans ces pays, par exemple, dans les républiques du sud de la Caucase, du Caucase, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, la vigne est quelque chose qui est éminemment aussi comme elle est patrimoniale et qui fait partie de la comme un caractère national. Et souvent, pas seulement là, mais dans beaucoup de pays, la France évidemment, l'Italie, la France, la Méditerranée, la vigne a une charge très très forte nationale et patrimoniale et symbolique aussi. Et en Géorgie, c'est un très bon exemple. Mais c'est intéressant parce que là, on parlait à l'instant des méthodes d'analyse pour des archéobotanistes comme vous. Et est-ce qu'on sait aussi quelles sont les méthodes de culture, les méthodes de domestication du vin à cette époque, Margaret Attenberg? Vous parliez justement des traces, des outils. Qu'est-ce qu'on sait sur les diverses techniques? Pour le tout début, on a très peu de traces. On n'a pas de traces de culture, de pratiques de culture. Alors la cultivation, la culture de la vigne, comme beaucoup d'espèces fruitières, comporte une reproduction végétative. C'est-à-dire qu'on ne sème pas les graines, mais on fait des boutures, on fait du marcottage, on fait d'autres méthodes, on fait du clonage, en fait. Donc ça, c'est une spécificité de la culture des espèces fruitières en général, et dont la vigne, et qui est une différence notable par rapport aux céréales, par exemple, où on sème la graine, le grain ou le fruit. Et donc, on intervient différemment, on interagit différemment avec la plante. Donc, beaucoup de la mise en culture de la vigne était sans doute en grande partie une mise en culture par ce clonage, par le bouturage, par exemple. Mais on présume aussi que le sauvage, le fait de prendre des graines des vignes sauvages et les planter, les croiser avec les vignes cultivées, etc., étaient des pratiques courantes et difficiles à mettre en évidence pour les périodes très anciennes. Mais pour l'Antiquité, par exemple, ça a été mis en évidence par une équipe sous la direction de Laurent Bobby dans le sud de la France, où on montre que le sauvage joue toujours un rôle, même très très longtemps après la domestication. Patrice Tisse. Oui, effectivement, c'est aussi une des découvertes, enfin, ou en tout cas une validation de ce travail qui a été publié dans Science. Et on a bien démontré effectivement que dans l'évolution de la vigne à partir de la domestication, nous avons eu ce que l'on peut appeler des domestications secondaires, c'est-à-dire des croisements entre les vignes cultivées qui étaient apportées par les populations et les vignes sauvages qui étaient présentes naturellement dans les régions dans lesquelles on a apporté la vigne. Et donc, si vous voulez, on a eu des croisements qui ont été réalisés entre vignes cultivées et vignes sauvages. Et donc, forcément, là, ce sont les pépins qui ont permis l'évolution de la vigne. et l'apparition en particulier de des cépages tels qu'on peut les connaître aujourd'hui. Des transferts de gènes hein, entre des espèces génétiquement assez proches par hybridation. On parle de cette histoire évolutive de la vigne. Dans cette histoire, on peut parler d'un projet récent, le Ancien DNA Grape and Vine Project. Je suis désolée, j'ai un accent catastrophique. En tout cas, c'est un projet qui vise à retracer l'origine et les transformations des cépages exploités en Europe occidentale depuis plus de 2500 ans. Et c'est le sujet de notre reportage du jour avec vous, Natacha Nomoul. Bonjour. Bonjour Natacha. Oui, ce projet de recherche s'est achevé en 2019, mais les chercheurs continuent à travailler sur ces questions aujourd'hui. Carpologues, archéobotanistes, généticiens collaborent pour comparer des données morphologiques et génétiques de raisins anciens et actuels. Alors comment est-ce que ces différents chercheurs coopèrent sur ce sujet ? Comment est-ce qu'ils parviennent à isoler les pépins de raisins domestiqués pour pouvoir les analyser ? J'ai rencontré Laurent Boubi, qui travaille à l'Institut des sciences de l'évolution à Montpellier. Il nous accueille dans le laboratoire de carpologie pour examiner avec lui quelques grains sur lesquels il travaille. Je ne vais pas les abîmer parce que ça, c'est le matériel que j'ai isolé pour étude. Et donc là, ce qu'on a devant nous, c'est un petit pot en plastique qui est rempli d'eau. Oui, donc en fait, la particularité ici, c'est que ces pépins de raisin, ils viennent d'un contexte gorgé d'eau, un contexte humide. Donc, c'est un contexte archéologique. En l'occurrence, c'est un site portuaire. Et il s'agit de déchets qui ont été rejetés dans le port au Moyen-Âge. Hein, c'est un échantillon du Moyen-Âge qui date du Xe siècle, en gros. Et ces couches archéologiques sont restées sous l'eau depuis leur enfouissement. Et donc, cette présence permanente d'eau a empêché tous les micro-organismes qui sont responsables de la putréfaction de la matière organique de se développer. Donc si vous les regardez, ces pépins de raisin, sous la loupe binoculaire, vous allez voir qu'ils ressemblent tout à fait à des pépins de raisin frais qu'on va pouvoir observer aujourd'hui. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a ciblé ce type d'échantillon pour rechercher de l'ADN ancien, parce qu'on avait un potentiel de conservation qui était beaucoup plus favorable que des graines carbonisées. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement les regarder ? Oui, oui. On va prendre une coupelle. Et donc, on peut les observer sous loupe binoculaire. Alors, est-ce que vous pouvez éventuellement nous décrire un peu ce que vous voyez avec la loupe ? Oui, donc là, je vois des graines qui sont dans de l'eau, dans une boîte de pétri. Et je vois les caractéristiques anatomiques essentielles des pépins. Donc on a un bec, qui est un élément très important pour distinguer vigne sauvage et vigne domestique. Bon, la vigne sauvage, les pépins sont globuleux, avec un bec très court, alors que chez la vigne domestique, on a des pépins qui sont généralement plus allongés et avec un bec très long. Et ce que l'on va utiliser en morphométrie, c'est la forme générale du pépin pour avoir notamment l'allongement de la graine et cette partie là qu'on appelle le bec. Donc on va l'étudier en vue dorsale ici, on va prendre un contour et ensuite également en vue latérale. Comme ça on a une sorte de fosse 3D avec deux contours perpendiculaires. Et donc quand vous regardez la forme des pépins là, est-ce que vous avez déjà des premières informations concernant donc les cépages ou les cultivars dont ils pourraient provenir ? Alors ça c'est donc tout ce que l'on peut voir en regardant la forme des pépins à la loupe binoculaire comme ça, c'est qu'il s'agit de pépins de vigne domestique, donc de variété X. Mais ensuite, pour avoir des données plus précises, il faut passer par une étude de la forme beaucoup plus précise qui repose sur des méthodes mathématiques d'étude des contours, donc ce qu'on appelle de la morphométrie géométrique. Donc là, comme ça, à l'œil, je peux absolument rien voir. Donc ce qu'on va faire là pour la suite de l'étude, on va les photographier systématiquement avec un équipement spécialisé, une caméra numérique montée sur une autre loupe binoculaire, en positionnant les pépins de façon standardisée pour ensuite pouvoir extraire la forme de ces pépins, le contour des pépins et le comparer à une base de données de graines actuelles que l'on a constituées. Et une fois ces photos prises, ensuite les pépins vont être isolés et puis transmis au laboratoire d'ADN ancien pour extraire l'ADN Et puis ensuite comparer les séquences obtenues à encore d'autres bases de données génétiques qui sont basées sur des vignes actuelles. L'étude que vous allez mener avec ces pépins-là, elle se situe dans la continuité de Exactement. L'étude précédente ? Oui, tout à fait. Ouais. Donc dans l'étude publiée en 2019, pour la première fois, on a pu appliquer les méthodes de séquençage à haut débit qui permettent d'étudier un très grand nombre de séquences et surtout des très petits fragments d'ADN parce que dans ces graines archéologiques, l'ADN est conservé en très petite quantité et il est extrêmement fragmenté. Et donc de ce point de vue-là, quels ont été les résultats ? Alors déjà, ce que l'on a vu, c'est que la plupart des pépins qui ont été étudiés, la très grande majorité, se rangeaient dans les vignes domestiques et la plupart se rangent dans le groupe des cépages occidentaux, donc des variétés qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc en fait, bon, on va essayer d'approfondir des questions que l'on avait au départ et puis des questions qui ont émergé suite à la première étude. Et puis ce que l'on va faire aussi, c'est essayer de travailler sur des traits fonctionnels, en fait, donc des caractéristiques de la vigne, voir si on peut travailler sur des gènes, par exemple les gènes de la couleur, voir si on peut identifier des vignes à baie noire, à baie blanche. Et un des objectifs que l'on a maintenant, c'est essayer de voir si on peut faire des parallèles entre les changements, les variations du climat et l'évolution variétale de la vigne en France, toujours. Merci Natacha Demoule pour ce reportage. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Margaret Attenberg ? Bon, déjà, ça m'a fait très plaisir d'entendre mon collègue Laurent Bobby de Montpellier. L'équipe de Montpellier a développé ces méthodes très précises sur la morphométrie qui permet d'accéder à beaucoup d'informations sur les variétés, sur l'évolution des vignes dans le passé. Et associé à la paléogénétique dans ce cas-ci. Et donc là, on a plusieurs approches. On a l'archéobotanique, on a la morphométrie géométrique, paléogénétique, c'était l'analyse génétique des restes archéobotaniques, et l'article de Science qui porte sur la génétique des cépages actuels. Et toutes ces approches sont absolument complémentaires. Parfois, ils ne donnent pas exactement les mêmes résultats. Bon, on l'a vu pour la chronologie, par exemple, de la domestication. Mais ils se complètent et ils apportent des éclairages différents de cette histoire qui est très complexe parce qu'il y a les hommes, il y a la biologie, il y a les hommes, les plantes, etc. Donc, ça, c'est le climat, évidemment. Donc, c'est compliqué. Mais il faut toutes ces approches, et je pense que toutes nos études dans ces domaines à l'interface entre sciences naturelles et sciences humaines, on a absolument besoin de l'interdisciplinarité, parce que sinon on n'arrive à rien. Donc ça c'est certain. C'était la même histoire pour le cheval, finalement, pour reconstituer cette histoire. Non, c'est assez étonnant de voir les parallèles. Patristis, votre réaction, vous aussi, à ce reportage. Oui, alors écoutez, je travaille effectivement aussi avec Laurent Boubi, donc c'était très intéressant de l'entendre parler de ce travail. Et vous avez aussi remarqué qu'il parlait aussi d'analyse de l'ADN, avec une difficulté dans le cadre de ces échantillons archéologiques, c'est que l'ADN a été finalement dégradé. On arrive à toujours trouver de l'ADN, mais qui est très très dégradé. Et donc c'est pour ça que, comme précisait Laurent, finalement on analyse des tout petits fragments d'ADN, mais les fragments sont finalement suffisants en longueur suffisante pour pouvoir malgré tout travailler et identifier par exemple les variétés qui correspondent ou en tout cas à partir desquelles les pépins ont été obtenus. Et donc c'est pour ça que, comme précisait Laurent, on peut montrer que les pépins qui avaient été travaillés dans cette étude étaient plutôt des pépins apparentés avec les vignes plutôt occidentales. France Culture. La science CQFD, Natacha Triot. h 48 sur France Culture avec Margaret Attenberg et Patrice Tis. Nous parlons de la domestication de la vigne, l'origine du vin. Parlons un peu de son évolution un peu plus récente, Patrice Tis. C'est une question qu'on se posait avec les camarades de l'équipe. Quand est-ce que le vin s'est mis à ressembler à celui que nous connaissons aujourd'hui ? Est-ce que les Romains buvaient les mêmes cépages que nous ? Alors, c'est, aujourd'hui, il est effectivement très difficile de retracer les cépages très anciens. Il existe, si vous voulez, quelques livres, en particulier de d'auteurs très anciens qui commencent à parler de cépages, mais voilà, plutôt autour du 3e, 4e ou 5e siècle. En particulier, donc, le travail dont parlait tout à l'heure Laurent Boubi a permis de montrer que certains restes qui avaient été observés, qui étaient probablement à la fin du premier millénaire, donc dans les années 1000, en fait, on a pu montrer que ces échantillons correspondaient à des cépages actuels. Et il y a, par exemple, dans un des articles qui a été publié, une démonstration que le Savagnin, par exemple, qui est sans doute un des cépages les plus anciens que l'on connaisse, était déjà présent dans les années 1000, autour des années 1000. Et donc, comme tout à l'heure Margaret le précisait, comme la vigne est une espèce qui est multipliée végétativement par bouturage, on pense effectivement que c'est finalement le même cépage qui a perduré pendant plus de 1000 ans et qui est arrivé aujourd'hui quasiment identique à ce qu'il était il y a un millier d'années. Et c'est donc peu de changements dans la vigne depuis les Romains en France. Patrice Thys, qu'est-ce que cette préhistoire peut nous annoncer sur l'avenir de la vigne, l'évolution de la vigne? Vous pouvez nous en parler, hein, vous avez une équipe de travail à ce sujet, Patrice. Oui, en fait, on travaille sur l'évolution de la vigne et en particulier, on essaye de développer des nouvelles variétés qui seront plus adaptées au climat de demain. On peut déjà, si vous voulez, commencer à regarder ce qu'il se passe grâce à la grande diversité de l'espèce Vitis vinifera. Et par exemple, aujourd'hui, on teste en France, dans le Bordelais ou en Occitanie, des variétés qui sont aujourd'hui cultivées dans des zones très chaudes d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Espagne ou du sud de la Grèce. Et donc, pour essayer de voir comment ces variétés peuvent effectivement s'adapter aux conditions actuelles de production. Et c'est que, on peut aussi redire que le changement climatique met la vigne sous des contraintes plus fortes, que les impacts du changement climatique s'intensifient dans les vignobles. Et ça aussi, vous travaillez dessus, notamment sur le stress hydrique. Oui, alors effectivement, alors si vous voulez, le stress hydrique va avoir des impacts très forts. Déjà sur le rendement, on sait qu'une vigne qui est stressée au niveau hydrique va produire beaucoup moins, mais on a aussi des effets sur la composition du vin. Alors, le stress hydrique, en particulier dans le sud, est aussi associé à un stress thermique. Et on sait aussi que le stress thermique a aussi des effets très importants sur le vin. Aujourd'hui, si vous allez acheter une bouteille de vin dans un supermarché, vous pouvez voir que le taux d'alcool est maintenant pratiquement tout le temps au-dessus de 13 degrés, alors que mes parents, par exemple, comme les vôtres, pouvaient boire du vin à 8-9 degrés. L'augmentation du taux d'alcool est une conséquence directe du réchauffement, donc une conséquence du changement climatique. Et donc, c'est toutes ces modifications-là aussi qu'on essaye de travailler, sachant qu'effectivement, pour qu'un vin soit de bonne qualité, il faut de l'alcool, bien sûr, mais pas trop, et il faut aussi de l'acidité. Et on sait aussi que l'acidité du vin est aussi modifiée à cause du changement climatique. Eh bien, écoutez, merci malheureusement, Patrice, je vous interromps parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais merci de nous avoir abreuvé tous les deux des enjeux de la recherche sur la domestication du vin. On revient sur ce plateau pour écouter la chronique le pourquoi du comment avec Étienne Klein. Merci. Le futur existe-t-il déjà dans l'avenir? Quel est le statut physique du futur? Existe-t-il déjà quelque part, passant son temps à attendre de devenir présent? Ou n'est-il encore qu'un néant absolu? Nous avons l'habitude de représenter le temps par une ligne formée de points analogues à ceux qui se trouvent dans l'espace. Ce faisant, nous effectuons une étrange opération, monstrueuse même, puisqu'elle consiste à faire coexister, à faire exister ensemble dans un même présent, des instants successifs qui, par définition, ne peuvent pas être tous présents en même temps. Cette représentation paradoxale masque de surcroît un problème redoutable. Lorsqu'un instant est présent, où se trouvent les autres instants, notamment ceux du futur? Existe-t-il ailleurs, depuis la nuit des temps, attendant seulement de devenir présent l'espace d'un instant, au moment où le temps passera par eux? Ou gisent-ils encore dans le néant, hors de toute réalité, pour ne devenir fugitivement réel qu'au moment où ils seront présents? La question est en somme de savoir si le futur existe ou non déjà quelque part. Parce qu'elle interroge le temps en usant de termes relatifs à l'espace, elle déclenche en notre esprit un gigantesque embarras, et nous n'y répondons d'ailleurs que de façon bancale, en accordant au futur une ontologie, disons, vacillante. Dans son livre « Le Don », Vladimir Nabokov comparait le passé à un abîme aqueux et le futur à un abîme aérien. Le cours du temps semble en effet coupé en deux par deux sortes de pondérations que le présent démarque, sépare et même oppose. Mais se pourrait-il qu'il s'agisse là d'un simple effet de perspective? Qu'à rebours de nos perceptions et de ce qu'indique notre mémoire, le futur exista autant que le passé, ni plus ni moins. Des physiciens ont en tout cas proposé une lecture de la théorie de la relativité d'Einstein allant dans ce sens. C'est la doctrine dite de l'univers bloc. Elle invite à considérer l'espace-temps comme une structure intégralement déployée, au sein de laquelle tous les événements, qu'ils soient passés, présents ou futurs, coexisteraient. Ils y auraient exactement la même réalité, de la même manière que les différentes villes coexistent en même temps dans l'espace, tout en étant situées en des lieux différents. Tandis que je suis à Paris, Chamonix et Londres existent tout autant que la capitale, la seule différence entre ces trois villes étant que Paris accueille ma présence, alors que ce n'est le cas ni de Chamonix ni de Londres, du moins au moment où j'écris ces lignes. L'espace-temps contiendrait en somme l'intégralité de l'histoire de la réalité, chaque événement passé, présent ou futur y occupant depuis toujours et pour toujours une place bien déterminée. L'avenir existerait donc déjà, tout comme le passé, mais ailleurs que là où nous sommes. Cette thèse est bien sûr discutée et même controversée. On peut notamment lui opposer le présentisme, qui considère au contraire que seuls les événements présents sont réels. Ceux-ci apparaissent et disparaissent en étant remplacés par d'autres, de sorte que la réalité est toujours inédite et indécise. Il n'y aurait en somme pas d'autre réalité que l'ensemble de ce qui présentement a lieu. En son amont comme en son aval, le présent serait donc ceinturé par du néant, par du rien. Mais en attendant que cette question du statut du futur soit tranchée, il faut bien vivre. Or, vivre implique d'accorder à l'avenir un certain statut, ce qui suppose de l'investir avec des idées, des projets, des représentations, des désirs. Alors, le mieux est de concevoir une habile synthèse entre le présentisme et l'univers bloc, de les mélanger pour donner corps à l'idée que l'avenir constitue une authentique réalité, mais qu'il n'est pas complètement configuré, pas intégralement déterminé, qu'il y a encore place pour du jeu, des espaces pour la volonté et pour l'invention. Bref, plutôt que de faire joujou avec le spectre de la fin du monde ou de se disloquer en une sorte d'immobilité trépidante, ne serait-il pas plus vivifiant de redynamiser le temps en force historique ? Voilà, c'est juste une question. Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD et merci à Thierry Montèche, à France Bleu Héros. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.